Chapitre 7e. Gros mensonge. Serge déboule à belle allure dans le port de Carreau, dans une R16 noire. Dès sa descente de voiture, il jette un coup d'œil vers le bar et m'aperçoit. Il me fait signe de venir le rejoindre. Je pique un mimi à ma brune qui me lance. « Là, tu as ton affaire, hein ?» et cours de l'autre côté du port. Il va bientôt faire nuit, et à part se mettre au courant de sources autorisées, la mienne ne l'étant pas, Serge ne pourra pas faire grand-chose aujourd'hui pour l'enquête. J'arrive lorsqu'il vient de se présenter au juge chargé de l'instruction, juge que je ne connais d'ailleurs pas. « C'est un de vos collègues ? » fait-il en me désignant du menton. « Oui, oui, » fait Serge, « rien à craindre. » Il n'entre pas dans le détail et apparemment, l'autre s'en fout complètement. J'assiste au résumé de l'affaire par les gendarmes, mais me garde bien de faire état de ce que m'a raconté Sanchiz. Cela, j'en réserve la primeur pour mon copain Serge, et nous verrons ensemble quoi en penser. Le juge s'étonne que le propriétaire du bateau soit absent, mais je lui explique qu'il a préféré escorter les corps des victimes à la morgue. Pour l'instant, personne n'a prononcé le nom de Sanchiz, et c'est très bien ainsi. Après prise de rendez-vous postérieure au rapport du légiste, tout le monde se sépare et nous allons pouvoir discuter tous les deux avec Serge. De retour au bar, nous nous réunissons tous les cinq à une table alors que Marcel a amené les apéros et les olives. Gigi a baissé le rideau et nous nous retrouvons comme une petite famille dans son chez-soi. « Vous mangez avec nous, Serge ? Spaghetti et côtelettes d'agneau, ça vous va ? Allez, dites-oui, ça me ferait plaisir. »« Merci. C'est gentil, mais auparavant, il faut que je passe un coup de fil à Sylvia pour la prévenir. » Gigi le regarde faire, amusé. Elle a toujours trouvé Serge beaucoup moins beau que moi, mais beaucoup plus sympathique et facile à vivre que ce pénible de Volpi. Ce qui est vrai, je le reconnais. Pendant qu'il téléphone, Gilda me glisse à l'oreille. « N'oublie pas de lui parler du truand qui veut nous rançonner. T'inquiète, je lui dirai ce que tu m'as conseillé de dire. » Après quelques propos brise-glace, nous en venons au problème de Sanchiz et j'expose rapidement à Serge les données du problème dès les premières fourchetées de spaghettis. « Tout le monde est au courant ?» demande Serge d'un regard circulaire pour savoir s'il peut parler ouvertement. « Oh oui, malheureusement, » fait Paula. Gigi la foudre dans les yeux pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle va dire. Et Paula de lever les yeux au ciel, de dépit. Après mon récit, Serge fait une pause en réfléchissant sur une côtelette d'agneau. S'étant essuyé la bouche, il laisse tomber sa sentence. De toute façon, elle n'est pas claire, son histoire. Même s'il n'y a pas le problème du partage avec l'État, il reste à écouler l'or, et ça va lui coûter au moins la moitié de sa valeur. Ça revient au même. C'est bien sûr, dommage qu'il y ait eu deux morts au tapis, mais le plan de la famille Sanchiz était foireux dès le départ. Tout ça pour ne pas faire confiance aux banques. Moi, je crois plutôt que c'est le fisc qui leur faisait peur. Parce que les affaires qu'ils ont liquidées à la va-vite en Algérie n'étaient peut-être pas très claires. Cette remarque acerbe, mais frappée au coin du bon sens, nous laisse en panne. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre, fait sentencieusement Marcel. J'adore le pragmatisme de Serge et la philosophie de Marcel, mais je tiens à remettre la conversation dans l'axe. Oh les mecs, vous semblez oublier qu'il y a un double assassinat. Il faudrait quand même trouver les coupables. Moi, ce qui me chagrine, c'est que l'assassin ou les assassins soient sortis de nulle part, comme s'ils étaient déjà au fond de l'eau, à guetter. Et s'ils guettaient, pourquoi ne pas se mettre à chercher eux-mêmes? Si ça se trouve, c'est peut-être eux qui ont mis la main sur le magot, et ce sont les deux autres qui sont venus les déranger. Serge lève les bras au ciel pour m'arrêter dans mon élan. Attends, Gino, tu vas vite en besogne. Il faut d'abord attendre le rapport du légiste, pour être sûr qu'ils ont été assassinés. Il faut aussi savoir s'il n'y a pas d'autres témoignages sur l'accident, ou l'attentat, si tu préfères. Et qu'est-ce qui prouve que les meurtres et l'explosion du bateau sont liés, hasard de Marcel, détruisant un peu plus mon beau début de scénario. Et qu'est-ce qui vous prouve que les meurtres ont un rapport avec la recherche du magot? Vous supposez qu'il a été trouvé, ce trésor, mais il est peut-être toujours au fond de l'eau. Voilà. Gigi vient de nous clore le caquet, car de tous, c'est elle qui avance l'hypothèse la plus sensée. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors tu peux m'expliquer pourquoi on les a assassinés, ces deux pauvres types? Paula fait un clin d'œil à Marcel et nous dit en se levant. Oh les jeunes, vous ne préférerez pas attendre que les choses se décantent un peu. Pour le moment, vous brassez du vent. Et ça m'étonne de la part de deux professionnels, lance-t-elle en nous jetant un regard narquois. Ouh, la Paula prend de la graine. Et je commence à comprendre qu'elle doit être plus agréable à regarder qu'à vivre. C'est peut-être ce qui explique qu'elle ne se soit pas remariée. Enfin, une jolie femme, on pardonne beaucoup de choses. Mais faut pas non plus exagérer. Serge s'étire et bâille lamentablement. Bon, les enfants, je ne m'ennuie pas, mais faudrait que je regagne mon foyer où ma moitié m'attend. Je te raccompagne, dis-je, car il faut que je tienne ma promesse et que je lui parle du guerrier de l'alpha et de la chemise noire. Je vais essayer de m'en tenir à ce que m'a conseillé Gilda. Serge s'est mis au volant. Les deux bras appuyés sur le toit de la R16, je lui explique la première agression, la tentative de racket, sans bien sûr en préciser le dénouement. Quand des types comme ça se trouvent sur ta route, c'est comme si tu marchais dans la merde sans pouvoir t'en décoller, me dit Serge d'une façon crue mais très imagée. D'un air ingénu, je demande « Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Il faut tirer la chasse, » répond-il en riant. En mon fort intérieur, je pense que c'est justement ce que nous avons fait, mais par initiation purificatrice. Je poursuis alors par le récit de la visite de Kamichi à Nera et de son allusion à la venue du premier truand. « Qu'est-ce que tu en penses, Serge ?»« Tu sais que ce type m'a reconnu. J'ai dû déjà avoir affaire à lui. » Là, il pousse le bouchon un peu loin. Raquette, extorsion de fonds, ça va les mener très loin. Il faudrait que tu réussisses à lui tirer le portrait à ce mec, pour essayer de le loger. En ce moment, je ne peux pas me permettre de te mettre un mulet à demeure sur ce coup. Pour l'instant, que Gigi lui fasse croire qu'il accepte et toi, fais comme si tu le craignais. Tu crois qu'on en arrivera à réussir un flag ? Bien sûr, si tu sais vraiment prendre des photos. Ce sera donnant-donnant, et on leur fera plier le genou. Le petit con qui a cramé dans l'alpha devait faire partie de la même bande. Il a dû vouloir les doubler, et lui enlever le goût de recommencer en le carbonisant. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est celui qui a brûlé qui est venu racketter Gilda la première fois ? J'ai l'impression que tu ne me donnes pas tous les éléments. Tu dois savoir des choses que tu ne me dis pas. Malgré le rosé de bandole et les pastis, le père Michaud a l'esprit clair comme du cristal. Il ne faut pas que je continue à trop le prendre pour une bille, sinon il va se vexer grave. « Alors ? J'attends, » fait-il en regardant droit devant lui, sérieux. « C'est la voiture, Serge. Marcel nous a dit que le gars qui était venu voir Gilda avait un cabriolet. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. » Serge se frotte le visage des deux mains. « Écoute, Gino, si on arrive à identifier le cadavre comme un des ruffians, on partira du principe que c'est la bande de pourris qui l'a refroidi. On leur met le meurtre sur le dos et on s'en sert pour négocier. Capisce ? Ah, quel charmant ami ce Serge. Intelligent, conciliant, obligeant, puisqu'il va même jusqu'à emprunter mes expressions italiennes. Il en est arrivé là où je le voulais, mais je ne suis pas plus dupe que lui. Le naïf dans l'histoire, c'est moi, car Serge a très bien compris ce que je voulais lui cacher, et la l'ineffable délicatesse de ne pas m'en parler. Pas étonnant que Sylvia soit devenue si amoureuse de lui. Allez, et sois sage, hein, je te tiendrai au courant. Moi. Ciao, bello. Sur ce lancer de torpille, il démarre sur les chapeaux de roue en espérant rattraper le temps perdu. Je rentre en croisant Marcel qui prend congé des dames occupées à débarrasser. Je donne un coup de main en allant secouer la nappe et en profite pour jeter un dernier coup d'œil aux environs au cas où. Paula vient d'allumer la télé dans la cuisine pour regarder la fin du journal du soir animé par le myope Léon Zitron. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, Madame Pompidou, blablabla. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, lance Gilda, on va se coucher. Viens, Gino, que je te montre ta chambre. Attends, il faut que je dise bonne nuit à ta mère. Je m'approche de Paula et ne sachant trop quoi faire, je lui pique un baiser sur la joue. Bonne nuit. À l'oreille, elle me murmure. Il est temps que je m'en aille, je crois. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Demande Gilda depuis l'étage. Rien, rien, elle m'a souhaité une excellente nuit. Gilda m'installe et après un rapide baiser s'en va rejoindre Paula dans la chambre. Je les entends papoter à voix basse et, les mains derrière la tête, je me retrouve dans le noir, les yeux au plafond. Assez rapidement, la caravane de mes obsessions surgit du néant, malgré les efforts que je fais pour la repousser. Je n'y arrive jamais de toute façon. Défile sous mes paupières Chantal, mon épouse, Guido, mon fils, mon père, tout blanc de plâtre, ma mère en tablier, un torchon autour de la tête, ma grand-mère, souriante et les mains tendues, la cour de récré de l'école du boulevard Rodeau, la première gifle de M. Cassolo, le camp près de Constantine, et puis... Et voilà. Je suis encore parti pour mettre trois plombes à m'endormir, Après la caravane des souvenirs douloureux passe la péniche des actes manqués. L'affection que je n'ai pas su donner à mon père quand j'étais petit, les mots que je n'aurais pas dû dire en mai 68, ceux que je n'ai pas pu se prononcer pour éviter ma suspension, jusqu'à ceux que je n'ai pas su rétorquer à ce pourri de chemise noire. J'aurais dû lui claquer le beignet pour lui apprendre à vivre à cette tante. Dans les jumelles, un corps noirci sera tatiné, je me conduis comme si j'avais 18 ans. Mais y aura-t-il un jour où je serai content de ma journée? Pourtant, aujourd'hui, tout bien considéré, pour moi, ça n'a pas si mal marché, surtout côté cœur. Les choses sont en bonne voie, ce me semble. Fermons les yeux sur la façon dont je me suis rabaissé vis-à-vis de Michou. Lui qui ne voyait que par moi, qui n'osait pas me tutoyer et qui m'avait mis sur un piédestal. Tu parles. Plus ça va, plus j'ai l'impression de m'enfoncer. Surtout depuis cette affaire Guelmard, où j'ai commencé à avoir mes angoisses. J'ai beau tourner, virer, le sentiment qui domine, c'est la solitude. Depuis que j'ai perdu ma femme et mon fils, j'ai toujours l'impression d'être seul au monde et pourtant, physiquement, c'est faux, je le sais. Allez, pauvre idiot, dors et arrête ton cinéma. Je me tourne sur le côté et essaie de faire ma place dans l'oreiller. Comme d'habitude, je me réveille une première fois. Il doit être 1 ou 2 heures du matin, les aiguilles de ma clochette ne sont pas suffisamment lumineuses. Je hume des fragrances citronnées de fleurs poivrées et perçois une légère respiration dénonçant une présence. Prudemment, j'avance doucement ma main et rencontre une mèche de cheveux fins. Je vais prononcer un nom, mais, soudain, ma lucidité retrouvée m'arrête. Laquelle des deux est à mes côtés? Paula m'a dit à tout à l'heure, hier soir. Si jamais je ne prononce pas le prénom qui va bien, je suis mort, tué par la méprise assassine. Le mieux est d'aller en exploration. J'avance une main hésitante et rencontre un bras frais que je suis jusqu'à la main qui le termine. Celle-ci se referme sur la mienne et je sens sur mes doigts la dureté de plusieurs bagues. Ma voisine se met sur le dos et pose ma main sur ses seins. Ils sont assez fermes. Je les sens lourds mais d'une texture douce et chaude. La main me guide vers l'entrejambe bombée, très peu poilue, aussi humide que je le suis moi-même. Je relève les cuisses de ma partenaire et entame le jeu pour lequel nous sommes réunis. Je caresse les chevilles fines et les mollets. Plus de doute, c'est Paula qui est à côté de moi et qui commence à prendre du plaisir. Il n'est pas question que j'arrête mon activité. C'est une question de délicatesse et de discrétion, car Dieu sait de quoi elle serait capable si je n'allais pas jusqu'au bout du contrat dans lequel elle m'a engagé. Ça commence à être vraiment très bon. Surtout ne t'arrête pas, me susurre-t-elle à l'oreille. Pas de problème. Je suis capable de me retenir pendant très longtemps, attentif à ma partenaire qui imprime maintenant le rythme. « Tu as joui ?» me murmure-t-elle au bout d'un moment. Je comprends que pour elle, le nirvana a été atteint, et je conclus par un puissant coup de rein suivi d'une longue expiration. Elle se tourne alors vers moi et me met la bouche près de mon oreille. « Je sais ce que tu penses de moi. Je suis une salope et je trahis ma fille. Tu sais, dès que je t'ai vue, j'en ai eu envie. » Et si ce n'avait pas été ici, ça aurait été ailleurs. Dès le premier instant, j'ai senti que je te plaisais, et que tu ne dirais pas non, quels que soient tes sentiments pour ma fille. Avec de l'expérience, on sent ces choses à des kilomètres. La vie ne m'a pas fait tellement de cadeaux, et j'ai appris à profiter des bons moments qui se présentent. Sois tranquille, je ne recommencerai pas, à moins que tu sois partant. Je ne lui dis rien, au cas où ma réponse pourrait la vexer. Tant qu'à tromper Gigi, mon peu de morale serait puni, à ce que ce soit avec sa propre mère. Nous n'allons pas faire du corneille tout de même. Elle disparaît comme elle est apparue, dans un effluve de parfum, sans un bruit, me laissant sombrer dans un sommeil coupable. Vers 4 heures du matin, nouveau réveil. Je sens tout à coup un contact sur mon ventre, une main y est posée. Cette main, contactée par la mienne, me révèle une bague que je connais bien. Cette fois, pas de doute, c'est bien Gilda qui s'est blottie contre mon dos. Un « ambigu me répond « Ne bouge pas et fais comme si de rien n'était », signifie-t-il. Finalement, Gigi murmure au cas où je n'aurais pas compris son désir. « Ça ne te fait rien si on fait l'amour demain. Après tout, on n'est pas pressé, hein, mon titou ?» Je préfère ne rien répondre, mon ton risquant de trahir mon incartade de tout à l'heure. Et nous nous rendormons tous les deux, heureux l'un de l'autre.